Ça marche tout, toi, ça, là-dedans, avec des pitons, toi, et puis à l'extrémité, toi, là, et à l'autre. Avec son parapluie. tout oiseau latin dit qui t'emploie, qui a l'excusé, qui a l'eau. Avec son parapluie.